problèmes en les plaçant en quarantaine. Je préfère la sécurité plutôt que la vitalité. Je clôt mes paupières avec le dos de la cuillère. Qui je suis, je ne sais pas, mais je planifie mes pas. Je me freine, mets des bâtons dans mes roues. Je me traîne, souvent me passe la corde au cou. Je m'inspire le dégoût, la répulsion, la haine. Je resserre les écrous qui me brident et me bernent. Constamment, je me place dans un puits de méandre. Consciemment, je me froisse et puis je m'effondre à poursuivre les ombres des rapaces qui croissent. Je ne puis me défendre, je m'enlace et m'angoisse. Je me fais de la peine en retournant ma veste. Je nourris ma déprime, sous l'eau je maintiens ma tête. Je m'embrouille, me déteste, je m'ennuie puis je m'aime. Je surveille mes faits et gestes jour et nuit même si je mime. Je compresse ma poitrine, m'empêche de respirer. Je m'oppresse, m'opprime, mais cherche à m'exprimer. Je me fais déprimer, frileux, je me juge indigne. Je pourrais m'escrimer si je me tue, c'est un crime. Quand je perds les pédales, mes moyens, mon sang-froid. Quand je passe mon temps à passer mon tour. Quand je m'emplis de flou et trahis ma confiance en moi. Je suis bien plus menaçant que tous les rapaces qui m'entourent. Tu ne peux te battre, mais sans pire lutter. Je sais, tu ne peux t'éteindre, laisse-moi tranquille. Y chuter, t'es qui toi, tu ne peux te battre. Que veux-tu, y lutter, étire-toi. Tu ne peux t'éteindre, j'en peux plus. Y chuter, je sais, tu ne peux te battre. Mais sans pire lutter, je sais, tu ne peux t'éteindre, laisse-moi tranquille. Y chuter, t'es qui toi, tu ne peux te battre. Que veux-tu, y lutter, étire-toi. Tu ne peux t'éteindre, j'en peux plus. Y chuter. Je pénètre ton cerveau de visites insidieuses, incisives, invisibles, intimistes et vicieuses. Entends-tu les cliquetis dans ton crâne échiqueté, plein d'étiquetiquetés, ton mental, mon échiquier. Je te parle de paix quand tu héberges la lutte, te vole ton enfance et te force à faire l'adulte. C'est pour combler mon orgueil, ma fierté, mon ambition, que tu cherches tant à être humble et tu es donc en scission. Chaque chose donne la naissance à son contraire par essence. Ce sont les règles en ma présence dans cette évanescence. Je suis un poison, une prison imposante, une cloison épuisante, une pression incessante. Je calcule, je combat, je pense et interprète, hiérarchise et intercède, schématise et interfère. Les éloges t'insultent, elles se logent et t'insurgent. Je te dévore et m'insuffle, me forge à ton insu. Tu ne peux te vaincre, mais tu essayes et faillis. Car en fait, tu es hélas l'assaillant et l'assaillie. Tu es la maladie et tu veux être l'antidote. En combattant le mal par le mal, tu me rends si fort. Vouloir m'éteindre, c'est en somme matiser. Tu m'as somatisé, tu restes traumatisé. Se combattre soi-même est un leurre, une mascarade. Car c'est ton ombre que tu fuis dans cette cavalcade. Tu ne peux te vaincre, mais sans pire lutter. Je sais, tu ne peux t'éteindre, laisse-moi tranquille. Y chuter, t'es qui toi, tu ne peux te vaincre. Que veux-tu, y lutter, étire-toi. Tu ne peux t'éteindre, j'en peux plus. Y chuter, je sais, tu ne peux te vaincre. Mais sans pire lutter, je sais, tu ne peux t'éteindre, laisse-moi tranquille. Y chuter, t'es qui toi, tu ne peux te vaincre. Que veux-tu,